l'archange Michael, le protecteur d'Iva. Découvrez la puissance et la protection de l'archange le plus vénéré. Un voyage personnel à travers l'histoire, la spiritualité et la science. Chers amis de l'âme, laissez-moi vous emmener dans un voyage extraordinaire. Un périple qui a changé ma vie et ma perception du monde spirituel. Tout a commencé par une vision fugace dans le ciel crépusculaire, mais s'est transformé en une quête profonde de compréhension et de connexion avec l'un des êtres les plus puissants et énigmatiques de notre cosmos. L'archange Michael. La vision qui a tout déclenché. Ce soir-là, alors que je contemplais le ciel depuis mon balcon, les nuages prirent soudain la forme d'une silhouette majestueuse. Des ailes déployées, une épée flamboyante à la main, c'était lui, l'archange Michael, dans toute sa splendeur céleste. Cette vision éphémère m'a profondément bouleversé, éveillant en moi un besoin irrépressible d'en savoir plus. À la recherche des origines. Intrigué par cette expérience, j'ai décidé de plonger dans l'histoire de l'archange Michael. La première étape fut une rencontre avec le père Thomas, un éminent théologien de l'université locale. « Michael, m'expliqua le père Thomas dans son bureau rempli de livres anciens, signifie « qui est comme Dieu » en hébreu. C'est une question rhétorique, bien sûr. Personne n'est comme Dieu. » Il sortit une Bible poussiéreuse de son étagère. Voyez-vous, Michael apparaît dans plusieurs passages clés. Dans le livre de Daniel, il est décrit comme le grand prince et le défenseur du peuple d'Israël. Dans l'épître de Jude, il conteste avec le diable au sujet du corps de Moïse. Et dans l'Apocalypse, il mène les armées célestes contre les forces du mal. Ces révélations m'ont fasciné. Michael n'était pas qu'un simple ange, mais un véritable guerrier céleste, protecteur divin. Une perspective multiculturelle. Ma quête m'a ensuite conduit à rencontrer des experts d'autres traditions religieuses. Le rabbin Sarah Cohen m'a parlé de l'importance de Michael dans le judaïsme. Dans notre tradition, m'expliqua-t-elle, Michael est considéré comme le défenseur d'Israël et le prince des anges. Il incarne la protection divine de notre peuple. Plus tard, j'ai eu la chance de discuter avec l'imam Abdullah, qui m'a offert une perspective islamique. Dans l'islam, dit-il, nous le connaissons sous le nom de Michaël. C'est l'un des quatre archanges majeurs, souvent associés à la miséricorde et à la nature. Des conversations m'ont ouvert les yeux sur l'universalité de Michaël à travers les cultures et les religions. L'expérience mystique. Ma quête prit un tournant inattendu lorsque je rencontrai Sophia, une mystique renommée. Elle m'invita à participer à une séance de méditation guidée pour entrer en contact avec l'énergie de l'archange Michael. Pendant la méditation, j'ai ressenti une chaleur intense autour de mes épaules, comme si des ailes invisibles m'enveloppaient. Un parfum métallique emplit l'air, évoquant la présence de son épée légendaire. Cette expérience m'a profondément ému, renforçant ma connexion avec cet être céleste. Après la séance, Sophia m'expliqua. Ces sensations, la chaleur, l'odeur métallique, sont des signes classiques de la présence de Michael. Il se manifeste souvent ainsi pour nous rassurer de sa protection. La science et le spirituel. Intrigué par ces expériences, j'ai voulu explorer une perspective plus scientifique. J'ai donc rencontré le Dr. Elena Rodriguez, une physicienne quantique réputée. D'un point de vue quantique, m'expliqua-t-elle, on pourrait considérer les anges comme des manifestations d'énergie vibrant à une fréquence très élevée. Nos perceptions d'eux pourraient être des moments où notre conscience s'aligne brièvement avec ces fréquences supérieures. Cette perspective m'a fasciné, offrant un pont potentiel entre le spirituel et le scientifique. Les sanctuaires sacrés. Mon voyage m'a ensuite conduit à visiter des lieux sacrés dédiés à l'archange Michael. Au Mont-Saint-Michel en France, j'ai rencontré Frère Jean, un moine qui y vit depuis des décennies. Ce lieu, me dit-il alors que nous contemplions la mer depuis les remparts, est imprégné de l'énergie de Michael. Depuis des siècles, les pèlerins viennent ici chercher sa protection et sa force. Plus tard, à la Sacra di San Michele en Italie, l'historienne locale, Maria Bianchi, m'a fait découvrir les légendes entourant ce lieu. Selon la tradition, murmura-t-elle tandis que nous traversions les couloirs anciens, Michaël lui-même aurait choisi cet endroit pour son sanctuaire. On dit que son épée a laissé une marque dans la roche, visible encore aujourd'hui. L'invocation et la protection. L'invocation et la protection. Au fil de mon voyage, j'ai appris différentes façons d'invoquer la protection de l'archange Michaël. La prière que j'utilise le plus souvent est celle-ci. Archange Michaël, je fais appel à votre protection divine. Entourez-moi de votre lumière et de votre amour. Éloignez de moi toute négativité et tout danger. Donnez-moi la force et le courage d'affronter mes défis. Je vous remercie pour votre présence bienveillante et votre guidance. Amen. Mais comme me l'a rappelé Sophia, la mystique, les mots exacts importent peu. C'est l'intention de votre cœur qui compte vraiment. La puissance des pierres et des cristaux. Ma quête m'a conduit à une rencontre fascinante avec Dr. Amelia Stone, géologue et experte en cristallothérapie. Dans son cabinet, rempli de pierres scintillantes de toutes les couleurs, elle m'a expliqué le lien entre l'archange Michaël et certains minéraux. L'archange Michaël, m'a-t-elle dit en me tendant un cristal bleu profond, est souvent associé à la pierre lapis-lazuli. Sa couleur bleue intense évoque le ciel et la protection divine que Michaël offre. Elle a ensuite sorti un cristal d'un bleu plus clair. L'aigu-marine est une autre pierre liée à Michaël. Elle est connue pour renforcer le courage et la clarté d'esprit, des qualités que Michaël incarne. Dr. Stone m'a également montré un cristal d'un bleu presque violet. La tanzanite est moins connue, mais tout aussi puissante. Elle est dite capable d'élever les vibrations spirituelles, facilitant ainsi la communication avec les royaumes angéliques, en particulier avec Michaël. Elle a conclu en me remettant un petit morceau de sugilite violette. Cette pierre est parfaite pour invoquer la protection de Michaël. Elle aide à dissiper la peur et à renforcer la foi. Ces révélations m'ont ouvert les yeux sur une nouvelle façon de se connecter à l'énergie de l'archange Michaël, à travers la beauté et la puissance de la terre elle-même. Les secrets des nombres. Ma prochaine étape m'a menée chez Madame Numerus, une numérologue renommée. Dans son bureau, des chiffres et des symboles couvraient chaque surface disponible. L'archange Michaël, m'expliqua-t-elle, ses yeux brillants d'excitation, est profondément lié au nombre 11. C'est un nombre maître en numérologie, symbolisant l'illumination spirituelle et la connexion divine. Elle griffonna rapidement sur un bout de papier. Le 11 se décompose en 1 plus 1 à 2. Le 1 représente le divin et le 2 l'humanité. Michaël est le pont entre ces deux mondes. De plus, continua-t-elle, si nous prenons les lettres hébraïques de son nom, Mem, Yod, Kaf, Aleph, Lamed, et que nous les convertissons en nombres selon la gématrie hébraïque, nous obtenons 101, 1, 0, 1. Encore, une représentation du divin, entourant le vide 0, symbolisant la protection. Elle mentionna également le nombre 19, qui apparaît souvent dans les textes anciens, en relation avec Michaël. 19 est un nombre de complétude et de réalisation divine. Il suggère qu'avec son aide, nous pouvons atteindre notre plein potentiel spirituel. Ces révélations numériques m'ont fait voir l'archange Michaël sous un nouvel angle, comme une force cosmique encodée dans la structure même de l'univers. Les échos des langues anciennes. Ma dernière rencontre fut avec le professeur Alexander Rosetta, un éminent linguiste spécialisé dans les langues anciennes. En son bureau à l'université, entouré de parchemins et de tablettes, il m'a offert une perspective fascinante sur l'archange Michaël à travers le prisme des langues mortes. En hébreu ancien, commença-t-il, le nom Michaël ou Michaël signifie littéralement « qui est comme Dieu ». C'est une question rhétorique, bien sûr, soulignant l'incomparabilité divine. Il sortit un vieux manuscrit en araméen. Dans les textes araméens, Michaël est souvent décrit comme « Rab Malakhaya », qui signifie « chef des anges ». Cela souligne son rôle de leader dans la hiérarchie céleste. Le professeur passa ensuite à un texte en sanskrit. Dans certains textes hindous anciens, nous trouvons des références à un être divin nommé Vidyadhara, partage de nombreuses caractéristiques avec Michaël. Ce nom signifie « porteur de sagesse », ou porteur de l'épée de la connaissance. En grec ancien, poursuit-il, Michaël est appelé Archon, ce qui signifie chef ou prince. Cela renforce encore son statut de leader parmi les forces célestes. Le professeur Rosetta conclut. À travers ces langues anciennes, nous voyons émerger une image cohérente de Michaël comme un être de grande puissance, de sagesse et d'autorité divine. Les différentes cultures ont peut-être utilisé des noms différents, mais l'essence de cet être céleste reste remarquablement constante. Cette exploration linguistique m'a permis de comprendre la profondeur et l'universalité de la figure de l'archange Michaël à travers les âges et les cultures. Témoignage de vie transformée. Au cours de mon périple spirituel, j'ai eu le privilège de rencontrer de nombreuses personnes dont les vies ont été profondément touchées par l'archange Michaël. Leurs témoignages m'ont ému et ont renforcé ma conviction de la puissance de cette présence céleste. Sarah, une jeune mère de famille de 32 ans, m'a confié avec des larmes aux yeux. L'archange Michaël est apparu dans mon rêve la veille d'un grave accident de voiture. Dans ce rêve, il m'a averti d'être prudente sur la route. Le lendemain, j'ai évité de justesse une collision frontale grâce à un réflexe inexpliqué. Je suis convaincue que c'était son intervention. J'ai aussi rencontré Marc, un vétéran de 45 ans qui luttait contre le SSPT. Il m'a raconté, « Pendant mes moments les plus sombres, j'invoquais l'archange Michaël. À chaque fois, je ressentais une chaleur réconfortante et un courage renouvelé. Sa présence m'a littéralement sauvé la vie. » Lors de ma visite au Mont-Saint-Michel, j'ai fait la connaissance d'Elena, une artiste de 60 ans. Elle m'a montré une peinture saisissante de l'archange. Un jour, alors que je méditais ici même, j'ai eu une vision si claire de Michaël que j'ai dû la peindre immédiatement. Depuis, ma vie artistique a pris un nouveau sens. Je sens sa guidance dans chaque coup de pinceau. Le témoignage le plus surprenant est venu de Dr. James, un scientifique sceptique de 50 ans. « Je ne croyais pas à ces choses », m'a-t-il avoué, « jusqu'à ce que je vive une expérience de mort imminente. » Dans cet état, j'ai vu une figure ailée rayonnante qui m'a ramené. Les descriptions de l'archange Michaël correspondent exactement à ce que j'ai vu. Cela a complètement changé ma vision du monde. Ces histoires, parmi tant d'autres que j'ai entendues, m'ont profondément touché. Elles illustrent la façon dont l'archange Michaël intervient dans nos vies, apportant protection, courage et transformation, souvent quand nous en avons le plus besoin. Réflexion finale. Ce voyage à la découverte de l'archange Michaël profondément transformé ma vie spirituelle. J'ai appris qu'il est bien plus qu'une figure lointaine de nos textes sacrés. Il est une présence vivante, une force de protection et de courage accessible à tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Que vous soyez croyant ou sceptique, j'espère que mon récit vous aura offert un aperçu de la richesse et de la profondeur de cette figure spirituelle extraordinaire. L'archange Michaël nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls face à l'adversité. Une force divine est toujours là pour nous guider et nous protéger. Alors, la prochaine fois que vous apercevrez une plume bleue sur votre chemin, que vous ressentirez une présence réconfortante dans un moment difficile, peut-être sera-ce l'archange Michaël qui vous fait un clin d'œil. Il est sûr. Que la lumière et la protection de l'archange Michaël vous accompagnent sur votre propre chemin spirituel, mes chers amis. Notre voyage ne fait que commencer. Partagez votre expérience. Je vous invite chaleureusement à partager vos propres expériences, visions ou ressentis liés à l'archange Michaël. Votre témoignage pourrait être une source d'inspiration et de réconfort pour d'autres personnes en quête de connexion spirituelle. Que ce soit une intervention miraculeuse, un rêve marquant, une sensation de protection inattendue, ou simplement un moment de paix profonde ressenti lors d'une invocation, chaque expérience est unique, précieuse. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Rappelez-vous, en partageant nos histoires, nous tissons une toile de connexion spirituelle qui renforce notre communauté et approfondit notre compréhension collective de ces mystères célestes. J'ai hâte de lire vos témoignages et de continuer cette belle conversation avec vous tous. Un nouveau chapitre, Gabriel, le messager divin. Mes chers amis, alors que nous concluons ce chapitre sur l'archange Michaël, je sens que notre voyage spirituel est loin d'être terminé. En fait, il ne fait que commencer. L'univers angélique est vaste et merveilleux, rempli de présences célestes qui jouent chacune un rôle unique dans l'ordre divin. C'est avec une grande excitation que je vous annonce le prochain chapitre de notre exploration. Une plongée dans le monde de l'archange Gabriel, le messager de Dieu. Gabriel, dont le nom signifie « Dieu est ma force », est connu pour son rôle crucial dans la transmission des messages divins. De l'Annonciation à Marie, à la révélation du Coran à Muhammad, Gabriel a été au cœur de moments pivots dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Dans notre prochain article, je vous emmènerai dans un nouveau voyage de découverte. Nous explorerons les multiples facettes de Gabriel. Tout comme notre exploration de Michaël, ce voyage nous mènera à la rencontre d'experts, chercheurs spirituels et de personnes ordinaires dont les vies ont été touchées par la présence de Gabriel. Préparez-vous à ouvrir vos cœurs et vos esprits à de nouvelles révélations. Car si Michaël est le protecteur, Gabriel est le messager, celui qui nous guide vers une compréhension plus profonde de notre propre connexion au divin. Rejoignez-moi bientôt pour ce nouveau chapitre de notre aventure spirituelle. D'ici là, que la protection de Michaël et les messages de Gabriel vous accompagnent. Alors à très bientôt pour notre prochain article. Gabriel, le messager de Dieu.